Chapitre 7. Le berceau de la Sainte Vierge. D'où vient que les statuaires pour lesquels vous préparez ces blocs merveilleux n'ont mis leur génie qu'au service des faux dieux? Demanda Hänsel Eck. Ceci ne doit pas vous surprendre, reprit Raphaël. Ces divinités mensongères nées dans le cerveau de l'homme, on pouvait aisément les revêtir d'une forme humaine. Mais que faire qui fût digne de la Pléiade chrétienne? Quel être sorti de la boue s'élèvera assez haut par l'inspiration pour donner au marbre la forme du Dieu unique? L'homme, se sentant impuissant à accomplir une pareille tâche, a brodé des églises à son sauveur. Il a fouillé le marbre et la pierre pour en faire des dentelles, vouant une existence au travail de chaque feston. Les marbres antiques sont de ce côté. Cette couche de Paros a contenu la Vénus de Médicis et la Diane chasseresse. Le Pentélique fut abandonné pour le Carrare. Cette brèche énorme contenait le bloc d'où sortit l'Apollon du Belvédère. Cette montagne de pourpre est une réserve de rouge antique que j'ai fait placer là lors de la destruction de Ninive. La chaîne de Tégète conserve les restes du marbre bien-aimé de l'ancienne Égypte. Les nègres que vous voyez là-bas ont la garde du noir antique. Là gisent le jaune de Macédoine et la brèche d'Alep aux reflets violacés. De ce côté germent des marbres encore inconnus des habitants de la terre. Ils les découvriront quand l'heure choisie sera venue. Sur le bord des grands fleuves d'Amérique, sous la neige des pôles, dans les montagnes du centre de l'Afrique. Si vous étiez venu quelques heures plus tôt, vous auriez assisté au départ d'un envoi considérable que j'ai fait ce matin. J'ai expédié en Allemagne des marbres jaunes remplis des plus fines herborisations, dans le Tyrol des marbres verts, des marbres rouges en Bohême. L'Italie nous laisse peu de répit, il ne se passe pas de siècle sans qu'il nous faille renouveler ses provisions. À Sienne, Vérone, Bergame et Suse, les Abruzzes sont fouillées profond, et si l'on ne surveillait pas de près la côte de Gênes, elle épuiserait les Lumachelles et le bleu turquin. Je viens d'expédier aussi tout un assortiment pour l'Espagne, du marbre blanc pour Grenade et Molina, du gris pour Tolède, du violet pour la Catalogne, du rouge pour Séville et du rose pour Santiago. Nous allons avoir un peu de repos de ce côté. Si l'année 1492 est celle de la découverte de l'Amérique, c'est celle aussi où Ferdinand le catholique a chassé les Maures de Grenade. Depuis 8 siècles, ils couvraient l'Espagne de monuments splendides. Les voilà partis, et ceux d'entre eux qui ne seront chassés qu'en 1610 par Philippe III auront trop à faire pour rien édifier d'ici là. La France méprise ses trésors. Je n'ai pas d'envoi à lui faire. Elle va chercher au loin ce dont je l'ai comblé. Elle laisse enfoui l'incarnat et la griotte que j'ai entassés aux environs de Narbonne, l'Isabelle, où j'avais pris plaisir à confondre le marbre rose et le talc verdâtre, et cent autres. Hänsel Eck ne se lassait pas d'admirer ces merveilles amoncelées, dont chaque travée lui offrait un spécimen différent. « Vous pouvez choisir ici le marbre dont vous avez besoin, » reprit Emmanuel. « J'ai pour la Vierge Mère un culte tout particulier. Ne négligez rien pour assurer le succès de votre œuvre. »« Choisir, bonté divine !» s'écria Hänsel. « Comment choisirais-je ? Je n'ai plus conscience de ce que je vois. » Mes yeux éblouis, mon imagination désorientée, ne peuvent plus me servir de guide. Je ferai donc ce choix, puisqu'il vous embarrasse, reprit l'enfant. Il désigna une montagne de marbre blanc. Un geste de Raphaël fit accourir 3000 ouvriers qui s'agenouillèrent. Il me faut à l'instant le bloc le plus pur de ces carrières. De ce marbre doit sortir une statue la plus belle qu'il sera jamais donné à l'homme d'admirer. Il en est encore quelques-uns parmi vous qui préparent ce marbre souillé maintenant, qui assurera une divinité passagère à la Vénus du Capitole, à la Diane chasseresse. Il s'agit de surpasser aujourd'hui ces impurs chefs-d'œuvre et de montrer aux hommes les traits de la Mère de Dieu. Mettez-vous en quête et taillez dans ce marbre un morceau digne d'un tel emploi. » Les âmes se mirent aussitôt à l'œuvre. Peu d'instants après, un bloc de 200 coudées sortait des flancs de la montagne et roulait aux pieds de l'enfant et du statuaire.